sera toujours inoubliable. De mes plus beaux jours inséparables, je t'emporte tout au fond des mois, tu m'escortes tout au long des mois, comme un été qui n'en finit pas. Tu seras toujours, quoi qu'il arrive, mon unique amour. Tu me reviendras qu'un jour prochain, oui, tu me reviendras. Et je fais ce rêve quelquefois qu'un jour prochain, tu me reviendras qu'un jour prochain, oui, tu me reviendras.